Section 16 de l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 4, troisième partie. Fin de la féodalité princière. Par Léonce Pingot. Saint-Paul, Armagnac, Nemours. Avant la fin même de son duel avec Charles le Téméraire, Louis XI avait réduit à une complète obéissance ses bons cousins et leurs amis, derniers tenants de la cause féodale. Les uns, Alençon, Armagnac, Nemours, furent frappés violemment. Les autres, Orléans, Bourbon, Anjou, furent réduits à l'impuissance ou disparurent d'eux-mêmes. Le duc d'Alençon, déjà condamné à mort sous Charles VII, le fut encore pour intrigue avec les Anglais. Juillet 1471. Sa peine ayant été de nouveau commuée, il mourut en prison. Son fils, le comte du Perche, élevé auprès du roi, desservi par des gens intéressés à sa disgrâce, fut également détenu jusqu'à la fin du règne. Le comte d'Armagnac, autre victime de Charles VII, rentré depuis en faveur, avait recommencé à conspirer avec les comtes de Foix et d'Albret et repris par surprise sa capitale de Lectoure. Il s'appuyait sur l'Aragon, comme le duc d'Alençon sur l'Angleterre. Cerné par Jean Jouffroy et les milices du Languedoc, il obtint une capitulation qui fut ensuite violée et périt dans le sac de la ville. Mars 1473. Le comte de Saint-Paul avait servi successivement le duc de Bourgogne et le roi. Issu de cette maison de Luxembourg qui avait cherché fortune à la fois en France et en Allemagne, il avait trahi ses deux maîtres et visait à se constituer une souveraineté indépendante entre les deux pays. Bien que connétable de France et mari de la sœur de la reine, Saint-Paul se compromit si bien avec Édouard IV lors de l'invasion anglaise de 1475 que le roi manda près de lui, ayant bien à besogner d'une tête comme la sienne. Comprenant le sens de cette sinistre équivoque, il s'enfuit sur les terres de Bourgogne et le téméraire le livra pour être libre d'agir contre les Suisses et les Lorrains. Saint-Paul, condamné par le Parlement comme criminel de lèse-majesté, eut la tête tranchée en place de grève. Décembre 1475. Un cadet d'Armagnac, Jacques de la Marche, duc de Nemours, avait été élevé avec Louis XI et comblé de bienfaits par lui. Il n'en avait pas moins pris part à la guerre du bien public, au complot de son aîné. Ce fut sur lui que le roi fit peser le plus lourdement, avec le plus de lenteur calculée et de cruauté raffinée, sa justice qui ressemblait si fort à une vengeance. Il le fit enlever dans son château de Carlatte, en Auvergne, puis enfermer en dure prison, à Pierre-Encise et à la Bastille. Des commissaires extraordinaires, auxquels partie de ses dépouilles était livrée d'avance, instruisirent son procès. Des juges, intimidés ou menacés eux-mêmes, le condamnèrent à mort. On a raconté que ses enfants avaient été placés sous l'échafaud afin que le sang de leur père tombât sur eux. Ces procès meurtriers étaient pour Louis XI, à la fin de sa vie, la revanche de ses humiliations passées. Il punissait les trahisons aggravées par l'ingratitude et oubliait un instant sa crainte, toujours croissante, d'être empoisonné ou assassiné. Le téméraire lui-même fut traduit devant le Parlement après sa mort, comme coupable de forfaiture et de faux. Il fallut la paix d'Arras de 1482 pour interrompre la procédure. La succession d'Anjou. Les autres maisons princières furent traitées moins durement et cependant assouplies et domptées. Le roi René, qui avait vécu jusqu'en 1471 dans son apanage d'Anjou, estima prudent pour sa tranquillité de se retirer alors en Provence, sous prétexte de faire valoir de plus près ses prétentions sur Naples et sur l'Aragon. Il venait de perdre son fils, Jean de Calabre, En vue d'assurer l'avenir de sa famille, il disposa des domaines qu'il possédait encore en fait. Le duché de Berre en faveur du fils de sa fille, le duc de Lorraine René II, de l'Anjou et de la Provence en faveur de son neveu Charles, comte du Maine. Louis, exaspéré d'être exclu, se saisit, à titre de suzerain, du Barrois et de l'Anjou, 1474, et s'attacha en particulier les bourgeois d'Angers en leur concédant des privilèges considérables. Par un arrêt du Parlement, heureusement resté sans effet, il fit décréter son oncle de prise de corps et le somma de comparaître. Puis il l'attira à Lyon, le combla d'égards et s'assura la possession éventuelle des deux provinces occupées, sacrifiant pour le présent une partie de l'autorité qu'il y avait usurpée. Il ne fut rien stipulé relativement à la Provence, fief féminin et terre d'empire. Louis XI semblait résigné à la laisser à son cousin Charles du Maine. Il savait ce prince d'une santé faible, destiné à une mort prochaine, et d'avance il avait gagné et mis au service de ses intérêts dans ce pays un des principaux conseillers de René, Palamède de Forbin. Les morts successives du vieux roi, juillet 1480, et de son neveu, décembre 1482, permirent à Louis XI de recueillir presque intégralement la succession d'Anjou, au moment même où il arrachait trois provinces à la succession de Bourgogne. Il héritait, en outre, de prétentions sur le royaume de Naples, qu'il n'eut ni le temps, ni sans doute la volonté de faire valoir, et qu'il légua, malgré lui, à ses successeurs. La maison de Bourbon continuait à dominer sur la France centrale. Le duc Jean II, comblé de bienfaits après la Ligue du Bien Public, se montra relativement reconnaissant et ne s'arma ni ne conspira plus contre son suzerain. Seulement, sa neutralité, son attitude quelque peu boudeuse lors des affaires de la succession de Bourgogne, excitèrent encore les soupçons. Ses conseillers payèrent pour lui et furent soumis, sous ses yeux, comme coupables de trahison, à une enquête longue et vexatoire. La faveur royale se fixa plus particulièrement sur son frère cadet, Pierre de Beaujeu, devenu le mari d'Anne, fille aînée de Louis XI. Le chef de la maison d'Orléans, Louis, âgé de 14 ans, fut lié par un semblable mariage. Il dut épouser Jeanne, seconde fille du roi, et se résigna à rester jusqu'à l'avènement de son beau-frère Charles VIII, également soumis comme vassal et comme mari. En lui imposant une femme contrefaite, incapable de lui donner des héritiers, le roi avait pensé peut-être assurer l'extinction d'une maison rivale de la sienne. Dernier moment et fin de Louis XI. Louis XI était craint de tous au loin, et de près craignait également tout le monde. Il mourut le 30 août 1483. Il a laissé dans la mémoire populaire une image indélébile, prise sur lui durant ses derniers jours, dans le cadre étroit et sombre de la forteresse de Plessis-les-Tours où il s'était confiné. On l'y voit, escorté de ses compères, entouré d'Écossais en sentinelle jour et nuit, protégé au large par 1800 chausse-trappes et pièges à loups, et aussi par les cadavres dont la justice expéditive du prélôt Tristan garnit les arbres des forêts voisines. Quiconque l'approche redoute son regard pénétrant, se défie de son sourire ambigu et ironique, tremble devant sa parole sarcastique et implacable. Il est vêtu d'un habit court de gros drap, coiffé d'un bonnet fourré auquel pendent des statuettes de plomb qui représentent la Vierge et les saints. Tantôt, il murmure des patenôtres, en tête à tête avec ses saintes images. Tantôt, il chasse aux souris, de chambre en chambre, avec des chiens dressés exprès. Tantôt il visite ses fillettes, les cages de fer où sont accroupies ses victimes, et quand la mort s'approche pour l'écarter, il fait venir de Reims la Sainte Ampoule et d'Italie le pieux ermite François de Paule. Tel est, à première vue, dans la pensée nationale, le roi qui a accumulé sur son nom beaucoup de sinistres légendes et qui a légué autant de tristes réalités à l'histoire. Ce fut le moins romanesque des hommes, et cependant le théâtre et le roman ont aimé, surtout dans notre siècle, à s'emparer de son nom. Louis XI a tous les traits d'un prince nouveau, au commencement d'une ère nouvelle. il affectait une grande vénération pour Charlemagne, et il fut certainement un des modèles du prince de Machiavel. À l'encontre de ses prédécesseurs et de ses successeurs, il eut les allures et les mœurs d'un tyran. Il estoie, dit Comines, en grand travail de sa personne. Le temps qu'il se reposoit, son entendement travailloit, car il avoit affaire en moult de lieux. Quand il avoit la guerre, il désiroit paix ou trêve. Quand il avoit la paix ou trêve, à grand peine les pouvoit-il endurer. De maintes mesmes choses de son royaume se mesloit, dont il se fût bien passé, mais sa complexion estoit-elle et ainsi vivoit. Brave, mais sans ardeur militaire, prompt au serment, mais sans loyauté chevaleresque, il n'attaqua jamais ses ennemis ouvertement que contre son gré. Il lui plaisait surtout d'acheter les consciences, de surprendre les secrets, de fomenter les trahisons. Avec cela, aussi intempérant parfois dans ses paroles que mystérieux dans ses actes, faible quand la fortune le contrariait, et ne sachant, lorsqu'elle le favorisait, être maître de ses impressions. Il affectait une grande piété, et la principale étape de ses nombreux voyages politiques était toujours un pèlerinage. À Notre-Dame de Cléry, à Notre-Dame d'Embrun, à Monseigneur Saint-Claude, il demanda assidûment le bien d'autrui, et à la fin, inutilement, le temps d'en jouir. Il fut enseveli, selon son désir, loin de Saint-Denis, avec sa statue en costume de chasseur sur sa tombe. Sa chasse avait été heureuse, car il avait abattu bon nombre de bêtes de proie, percé et assaini la forêt féodale, et on le range aujourd'hui parmi les grands fondateurs de l'unité française. On ne saurait cependant lui accorder ni un esprit élevé, ni un grand caractère. Et sa fertilité en ruse ne fut pas toujours heureuse. Quant au cœur, il a laissé douter de ses sentiments comme fils, comme mari, comme père. Les moralistes ont accusé avec Bossuet son âme basse et indigne de la royauté, et les politiques, plus indulgents, depuis Comines jusqu'à Duclos, ont dit de lui sous diverses formes, sans oser ni l'estimer ni le haïr, que c'était vraiment un roi. Charles VIII, Louis d'Orléans, la guerre folle. Louis XI, au milieu des angoisses de sa mort prochaine, eût voulu au moins continuer à vivre tout entier dans son successeur. Dans ses rêves de la dernière heure, on le surprit à dire de son fils « le roi ». Le dauphin Charles avait été élevé loin de lui, au château d'Amboise. Il le fit venir, elle lui recommanda surtout de ne point l'imiter, de ne point ôter sans raison à son avènement les offices à ceux qui en seraient pourvus. Charles VIII devenait roi à 13 ans. Il était légalement majeur, mais sa faiblesse de corps et d'esprit le mit sous la tutelle de sa sœur aînée, Anne de Beaujeu. Celle-ci, fine femme et déliée s'il en fut honte, Brantôme, fut pendant plusieurs années le véritable souverain. Sa politique à l'égard du parti féodal continua celle de son père. Toutefois, il fallut d'abord céder aux circonstances et plier sous la réaction qui menaçait d'emporter toute l'œuvre du feu roi. Les plus intimes conseillers de Louis XI, Comines entre autres, furent écartés. Doya fut battu de verge, Couectier dépouillé de ses biens, Olivier Ledain jugé et pendu. Après avoir frappé les bourreaux, on releva les victimes. Le comte du Perche, qui sortit de prison, les enfants d'Armagnac et de Saint-Paul, qui obtinrent quelques restitutions partielles. Le duc de Lorraine, qui reprit le Barrois au domaine royal. D'autres, qui furent remis en possession de leur liberté, de leur titre ou de leur terre. Un rival était à craindre pour Anne. Louis d'Orléans, premier prince du sang, jusque-là tout occupé de ses plaisirs, est néanmoins impatient de jouer un rôle politique. Le désir de s'appuyer contre lui sur l'opinion populaire et aussi de donner satisfaction aux plaintes croissantes contre le dernier gouvernement fit convoquer les États généraux. On verra plus loin le caractère et le rôle de cette assemblée. Le duc d'Orléans finit par obtenir la présidence du conseil. La dame de Beaujeu demeura régente de fait et, sous le couvert de cette rivalité particulière, la lutte entre le pouvoir royal et les grands recommença. sans avoir ni la puissance territoriale, ni l'ambition désordonnée et obstinée du téméraire, Louis d'Orléans était dangereux par les alliances qu'il pouvait nouer en dehors du royaume, sur toutes ses frontières. Avec François II de Bretagne, toujours faible et capricieux dans ses résolutions, avec le roi d'Angleterre, qui, quel qu'il fût, restait l'ennemi héréditaire, avec le roi d'Aragon, Ferdinand, qui aspirait à recouvrer le Roussillon, avec Maximilien d'Autriche, beau-père désigné du roi, qui, à ce titre, s'attribuait d'avance une part dans le gouvernement du royaume. La dame de Beaujeu s'appliqua à prévenir une coalition de toutes ces puissances secrètement hostiles. En Bretagne, François II voyait de son vivant, comme Charles le Téméraire, sa succession convoitée par les prétendants à la main d'Anne, sa fille et son héritière. Et comme Louis XI, il était entré en lutte avec ses vassaux pour retenir son pouvoir, non entre ses propres mains, mais entre celles d'un homme de petit état et de ferme caractère, son trésorier, Pierre Landais. Deux factions se trouvèrent dès lors en présence, qui toutes deux s'appuyèrent à la cour de France sur un des deux partis qui s'y disputaient le pouvoir. François II et Landais offraient secrètement leur concours au duc d'Orléans pour lui permettre de saisir la régence et le flattaient de l'espoir d'un divorce et d'un mariage avec l'héritière de Bretagne. Les nobles bretons s'allièrent à Anne de Beaujeu en promettant de reconnaître, après la mort attendue de leur duc, Charles VIII comme leur unique suzerain. Traité d'Ancenis, octobre 1484. Forts de cet appui, ils assaillirent le château de Nantes et Landais, tombé entre leurs mains, abandonné par son maître, fut puni du supplice des roturiers, la potence. Le duc dut promettre à son tour de renoncer à toute alliance avec les ennemis du royaume. La paix fut de ce côté momentanément assurée. Sur les Pyrénées, rien n'était immédiatement à craindre, le roi Ferdinand ayant toutes ses forces tournées vers le sud, contre les morts de l'Andalousie. Au-delà de la Manche, on favorisa une nouvelle révolution dynastique. Henri Tudor, héritier des Lancastres et cousin éloigné du roi, reçut quelques secours pour aller renverser Richard III. Il réussit, et la reconnaissance imposa au moins pour quelque temps la neutralité au roi Henri VII. Maximilien d'Autriche, au contraire, réveilla les vieilles querelles et déclara la guerre, sous prétexte que Charles VIII, suzerain de son fils, encourageait la rébellion constante des membres de Flandre, c'est-à-dire des villes d'Ypres, Gand et Bruges. La lutte, poursuivie mollement de son côté, fut soutenue sans grand éclat ni vigueur du côté des Français. Le pire de ces résultats fut d'encourager les mécontents de l'intérieur et de rallumer la guerre civile. La nouvelle Ligue du bien public reçut le nom de « guerre folle ». Cela suffit à montrer combien l'opinion avait changé depuis 20 ans et dans un sens favorable à la royauté. Le duc d'Orléans la dirigeait, ayant derrière soi des complices venus de partout. Le duc de Bretagne, incorrigible dans ses velléités belliqueuses, Alain d'Albret, avide de la succession d'Armagnac, le duc de Lorraine, irrité de n'avoir pas obtenu la Provence. Tous réclamaient à l'envi contre les augmentations d'impôts, la violation des promesses faites aux États de 1484 et, en général, la mauvaise conduite des affaires. Anne de Beaujeu soumit assez promptement et facilement les seigneurs du Midi. Contre la Bretagne, une première campagne fut sans résultat. Ici, le patriotisme des paysans venait en aide aux prétentions de la noblesse. Une sorte de levée en masse spontanée assaillit et écarta de Nantes les Français. Dans une seconde campagne, ceux-ci emportèrent Ancenis et Châteaubriant, et la Trémoille, à la tête des principales forces royales, livra une bataille décisive à Saint-Aubin-du-Cormier, 27 juillet 1488. 6 000 Bretons périrent. Le duc d'Orléans, qui avait combattu à pied au milieu de ses troupes, fut pris et envoyé captif au château de Bourges. François II dut traiter encore une fois à Sablé. Il s'obligea à payer les frais de la guerre, à renvoyer tous les étrangers, à livrer aux Français les forteresses qui gardaient l'accès du pays, et à ne point marier sa fille sans l'approbation du roi. Il mourut peu de jours après, laissant pour successeur la jeune princesse, âgée de 12 ans. Réunion de la Bretagne à la France. En de telles mains, l'héritage de Bretagne, comme naguère celui de Bourgogne, devait échoir au mari, encore inconnu, de l'héritière. Formé d'un domaine compact et d'un peuple unanimement attaché à ses traditions et à ses lois, il était à prendre tout entier, sans partage possible. Pour l'enlever au roi de France, suzerain contesté, une coalition étrangère suppléa à la coalition féodale détruite. Les rois d'Angleterre et d'Aragon, Maximilien, empereur désigné d'Allemagne et roi des Romains, conclurent une triple alliance. La jeune duchesse eut à subir, autour d'elle, avec la présence des soldats espagnols et anglais, les prétentions des nobles et les désordres populaires. Ses barons lui voulaient imposer un mari, ceci un breton de la grande maison de Rohan, cela le gascon Albert d'Albret, laid, boiteux, père de 8 enfants. Elle-même, dans sa détresse, offrait sa main à Maximilien comme au plus puissant et au moins gênant de ses alliés. La dame de Beaujeu, au nom de son frère, sut agir en digne fille de Louis XI, dissoudre la coalition et rendre la Bretagne française en faisant la duchesse de Bretagne reine de France. Le roi d'Aragon était inoffensif, sauf sur la frontière lointaine du Roussillon, et le roi d'Angleterre cédait sans empressement au désir de revanche de son peuple. Il fallait avant tout désarmer Maximilien. On lui offrit de reconnaître la tutelle qu'il exerçait en Flandre au nom de son fils, malgré l'opposition populaire, ce qui était lui assurer un appui moral contre les Flamands. On lui promit la présidence d'un congrès à Tournai, où devait être débattue l'affaire de Bretagne. La dame de Beaujeu avait d'autre part tenté et gagné les principaux chefs de la noblesse bretonne, et aussi Alain d'Albret, qui lui livra le château de Nantes. Elle ignorait alors que Maximilien, jouant un double jeu, n'en acceptait pas moins les propositions de la duchesse Anne, et épousait cette princesse, en secret, par procuration. Aussitôt instruite de cette union, elle la fit déclarer nulle par une assemblée de théologiens et de juristes, comme conclue sans le consentement royal, et du suzerain de la Bretagne fit un prétendant à la main de sa vassale. Le vainqueur de Saint-Aubin-du-Cormier ramena dans le pays une armée moitié conquérante, moitié protectrice. La duchesse Anne eut beau dire et répéter « Je suis engagée avec l'archiduc et le roi de France avec sa fille ». Le duc d'Orléans, sorti de prison et réconcilié avec son cousin, introduisit les Français à Rennes. Puis Charles VIII, oublieux de sa fiancée autrichienne, vint en personne poser sa candidature à la couronne ducale. Le traité du 15 novembre 1491 s'ensuivit. Le roi, après une entrée publique à Rennes et des fiançailles célébrées en présence de peu de témoins, alla s'établir en Touraine, au château de Langeais. Et là, sous la forme d'un contrat de mariage, fut signée la réunion, sous condition, de la Bretagne à la France. Si la nouvelle reine mourait avant le roi et ses enfants, elle leur transmettait tous ses droits. Veuve, elle ne pouvait se remarier qu'avec le roi futur ou l'héritier présomptif de celui-ci. Aucune garantie ne fut stipulée pour les libertés traditionnelles du pays. Seulement 6 mois après son mariage, Charles VIII, sur les remontrances des États, accorda certains articles portant le caractère d'un octroi gracieux plutôt que d'un engagement réciproque. Ces articles concernaient l'administration de la justice, qui devait avoir à tous ses degrés son siège dans la province, et la levée des impôts, qui devait avoir lieu dans les mêmes formes que par le passé. Cette réunion s'acheva légalement sous les règnes de Louis XII et de François Ier. Elle fut renouvelée depuis, de 2 ans en 2 ans, par un enregistrement solennel des privilèges de la province au Parlement de Rennes. Dans la pensée des Bretons, elle était garantie par un contrat synalagmatique, leur nation demeurant debout avec ses droits en face de la nation française. Chaque roi de France était le successeur légal du mari de la bonne duchesse, rien de plus. La Bretagne survécut dans ses ligueurs qui tinrent les deniers du royaume contre Henri IV, dans ces paysans qui firent l'insurrection du papier timbré sur Louis XIV, dans ces gentilshommes qui conspiraient sur la régence, dans ces parlementaires qui applaudissaient la Charlottais ou qui furent foudroyés à la Constituante par la grande voix de Mirabeau, jusque dans ces chouans qui se battaient pour les descendants de Saint-Louis contre la République une et indivisible. Traité d'Étaples, de Barcelone, de Senlis. Après la réunion de la Bretagne, il n'y eut plus de grande existence féodale portant ombrage au roi, sauf celle des ducs de Bourbon, et les deux branches de cette maison devaient, au siècle suivant, l'une finir dans la trahison et l'exil, avec le fameux connétable, l'autre monter sur le trône de France, avec Henri IV. Toutefois, le mariage de Charles VIII eut pour résultat immédiat de ranimer contre la France les forces de la Triple Alliance, toujours subsistante. Le roi d'Aragon et le roi des Romains, retenus et occupés aux deux extrémités de l'Europe par les Maures et les Turcs, n'étaient pas immédiatement à craindre. Henri VII, par condescendance pour les sentiments de son peuple, par désir de vendre aussi cher que possible son acquiescement à la fin de l'indépendance bretonne, passa la Manche, assiégea Boulogne, puis, sans même l'avoir prise, négocia. Par le traité d'Étaples, novembre 1492, qui annulait celui de Piquigny, il stipula une paix perpétuelle avec la France. Des articles secrets lui assurèrent ce qu'on appelait à Londres le tribut français, c'est-à-dire les arrêages d'une pension jadis promise par Louis XI à son bon frère d'Angleterre, et une indemnité pour les maigres secours qu'il avait fournis contre Charles VIII à Anne de Bretagne. Ferdinand d'Aragon, deux mois après, fut encore plus largement désintéressé. Il se fit restituer par le traité de Barcelone, janvier 1493, le Roussillon et la Cerdagne, sans avoir à rembourser les sommes avancées par Louis XI, et sans plus avoir à débattre les titres que la France avait acquis à la conservation de ces deux territoires. Charles VIII ne pensait alors qu'à s'assurer de ce côté la reconnaissance tacite de ses conquêtes passées et futures. Celle qu'il avait faite en Bretagne, celle qu'il méditait en Italie. Le mariage, conclu avec l'héritière de Bretagne, avait rompu le mariage projeté avec la fille de Maximilien. En renvoyant la jeune Marguerite à son père, il fallait aussi rendre sa dot, c'est-à-dire l'Artois et la Franche-Comté. Arras venait d'être livrée par trahison aux impériaux. Les Comtois, se regardant comme déliés envers leur nouveau maître, s'insurgeait et battait à Dournon le gouverneur français Baudricourt. Besançon recevait Maximilien en triomphe. Charles VIII rendit ses deux provinces au fils de Marie de Bourgogne, l'archiduc Philippe le Beau. Traité de Senlis, mai 1493. Le règne de la dame de Beaujeu était fini. Le roi, arrivé à l'âge d'homme, allait ouvrir en Italie, à lui et à ses successeurs, pour 50 années, l'ère des aventures. Fin de la section 16.